بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. On commence aujourd'hui ces دروس ان شاء الله في آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna fi d-dars al-sabiq ma yata'allaq bi al-munadara bayna al-muta'allimin. Famaadha istafadna indaman le cours précédent. Qu'est-ce que vous avez retenu? Tfaddal. Munadara, c'est le fait de discuter. Ah. Avoir une discussion. Ça peut être lors de la discussion. Il faut savoir qui est en face, c'est ton frère. Naam. Donc il faut respecter ton frère. Tayyib. Tfaddal, Zed. Ensuite, tu continues. Tfaddal. Ensuite, il faut avoir la rime. Naam. Il faut parler bi'ilm. لأننا نحن الآن نتحدث عن المناظرة في العلم فسلوك يبارل يبارل بالعلم العلم سيكوا؟ نعم الدليل أحسن العلم سيدليل قال الله قال رسوله لأننا نحن عن سجي في الدين فلا discussion ça doit être avec des principes de الدين قال الله قال الرسول أما les avis les rumeurs les ambiguïtés etc. Ça n'a rien à voir avec din. Belle, ça fait du mal au din. Et c'est une des causes que al-munadara, cette discussion, ce dialogue que tu as avec ton frère, ça se passe mal. Ahyanan, les principes, ils ne sont pas bons. Tfaddal Zed, qu'est-ce qu'il faut éviter fi hadhihi al-munadara? Vouloir avoir raison. Ahsan, vouloir absolument avoir raison, même si son, le qawl de la personne, il khalif al-dalil. Ça, ça fait du mal. Il y en a rubama à ton frère ou ton professeur, il te montre le haq, bibarahini, avec les adillah du kitab et sunnah. Et si cette personne qui tombe dans la polémique, al-jidal ou al-mira, al-madmoum, s'il veut absolument avoir raison, rubama il va rejeter al-adillah. Et dans ce cas, il n'y a plus aucun but. Il y en a l'objectif, c'est de trouver le haq. S'il veut absolument avoir raison, il ne veut pas le haq. Enfin, ça ne sert à rien de discuter dans ce cas-là. Fi dinillahi azza wa jal. Tfaddal Zed. Awalim, ça se passe qu'avec les mots sunnah. Naam, kadhalik, on évite les discussions polémiquées dans des sujets avec Ahl al-Batil. Limada, pourquoi? Les salaf, ils étaient comme ça. Ahsan, awalan, al-salaf, et c'est nos exemples. Il dialoguait pas, il polémiquait pas avec Ahl al-Batil. Kadhalik? Pour éviter les choubouhats. Naam, pour éviter les choubouhats. Lian al-qulub da'ifa. On est faible. On est faible. Niveau ilm et niveau iman. Enfin, pourquoi exposer ce ilm à des ambiguïtés et ce iman, tu l'exposes à al-inhiraf. Et tu risques l'égarement. Tout ça pour parler ou discuter avec ce mubtadi' qui aslan, il veut pas le haq. Il voudrait le haq, il suit le kitab et le sunna. Et il suit aqwal ahl al-ilm. Lakin ahl al-bid'a, ils ont rejeté tout ça. Thumma, ba'd al-ghafilin, il pense que il va polémiquer avec lui et c'est pour lui montrer. As-salaf, ils ont pas fait comme ça. Lianna, tu veux lui montrer, t'as une bonne niya, et si il t'écoute pas. Et lui aussi va te montrer ses choubas. Si cette chouba rentre dans ton cœur, et qui c'est qui t'a donné cette responsabilité de polémiquer al-jidal avec Ahl al-Bida'? Ahl al-Bida'a, si tu veux son bien, tu peux lui montrer sans polémiquer. Tu peux écrire un rad ilmi, tu peux propager à quoi Ahl al-Ilm sans polémiquer. Amma polémiquer, ça implique que tu vas l'écouter, tu dois l'écouter, là tu vas dialoguer. Tu ne peux pas que parler, il ne te laissera pas. C'est de délaisser Ha'oula. Comme ils ont fait le salaf, ils ont préservé leur dîn. Et s'ils veulent le haq, ne t'inquiète pas, ils savent le haq, il est où. Lakin al-inad wal-kibr. Ah, ce chapitre, il est muhim. Kadhalik, Cheikh Saad, il avait débuté avec le mudarris, le cheikh, l'alim, yunadir tullaba, il leur pose des questions, il voit est-ce qu'ils ont compris. Hada, c'est muhim. Tout ça, bien sûr, avec adab, bon comportement, le respect du savant, comme on a vu précédemment, et inshallah ikun khayr. قال الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه ذم التعصب. نعم الكلام ده الشيخ سعد الآن كم عليه c'est sur التعصب. التعصب c'est s'entêter, s'entêter et rester sur son avis même si c'est, même si le haq il est apparu dans un autre qawl. إما التعصب للنفس والعياذ بالله, ça peut être un التعصب sur son propre nefs, imma ta'assub à son shir, et prendre tous les aqwals de son shir même si khalif al-haq, ça c'est ta'assub. Ou ta'assub lil-kathra, ça arrive, et prendre tous les avis de la majorité même si ça contredit al-haq, ça c'est ta'assub. Fa ta'assub c'est ce qui contredit al-haq, et hada c'est madhmoum. أمرنا نحن on a été ordonné من رب العالمين de son prophète صلى الله عليه وسلم كذلك de suivre الحق, qu'il est avec toi ou il est avec un autre, il est avec ton cheikh ou il est avec un autre cheikh, il est avec la majorité ou la minorité, il est avec les gens de ton pays ou les gens qui sont pas de ton pays, avec tes proches ou avec tes ennemis. الحق c'est الحق. لكن on répète, هذا الحق لا يطلب إلا من أهل الحق. هذا الحق tu le recherches pas عند أهل الباطل. الحق tu le prends عند أهل الحق. لأن le حق qu'est chez les مبتدعه, chez أهل الضلال, tu le trouveras forcément عند أهل الخير والسنة. فتu le recherches عند أهل السنة. لكن أهل السنة قد يختلفون. أهل السنة الأفراد ils sont pas معصومين. أي tel shir, tel savant, tel frère, tel étudiant, ils sont pas ma'soumin an al-khata, ils peuvent se tromper. Anta la tata'assab, tu mets toujours ton but et ton objectif, c'est le haq. Toujours. Walaw kariha man karih. Pourquoi? Lianna cette recherche du haq, cette recherche du haq, c'est une ibada. Tata'abad lillahi azza wa jal bihada al-talab. وبهذا المنهج هذا الطريق أي تنبتس الحق. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه فالحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين. نصيحة mise en garde de الشيخ سعدي رحمة الله عليه pour ses frères طلبة العلم qui fassent très attention à التعصب للأقوال. أي il cherche pas la vérité. Il regarde soit ce qui a dit, sans regarder le contenu, soit le nombre, soit l'endroit, tel endroit, ce shirk, il a forcément raison. Hada c'est ta'assub. Nahnu, awlan, ce haq, on le recherche عند أهل السنة. Donc on donne l'importance à ceux qui propagent. Thaniyan, on regarde et on fait attention au contenu. Surtout dans les masa'il où il y a un isa', où il y a beaucoup d'avis, on se doit et on s'efforce de rechercher le haq. Et on fait dua. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Et à la kulli hal, notre objectif c'est hada. Et on peut se tromper. Lakin dans ce cas, même si on se trompe et notre but c'est le haq, si le haq nous apparaît, on le suivra. Bi'idnillahi jalla wa'ala. فالحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين. Fais attention. Ta niya et ta conviction, c'est que le haq, il est fi al-Qur'an et fi aqwal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi af'alih, fi sunnatih sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en tant que talib ilm, tu veux, et wa lillahi alhamd, tu fais des efforts pour étudier, pour apprendre l'ilm, tu dois avoir ce principe de base. Mais Anna, en tant que talib ilm, tu vas découvrir beaucoup de choses. Tu vas lire, tu vas étudier, tu vas écouter. Beaucoup d'avis vont se présenter à toi. Avec ce principe, ton but, c'est le haqq. قال الشيخ سعدي وهو أن يجعل القصد من المناظرة والمباحثة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه. C'est ça son but. Que ça soit pour le munadhara, le dialogue, la polémique, tout ce qu'on a cité dans le cours précédent, ou al-mubahatha, كذلك, il cherche. Il fait des recherches. Son but, c'est de trouver un dalil qui correspond au qawl de son shaykh, ou à son qawl à lui, ou au qawl qui veut que ça soit le haqq. Et ça, il y a une énorme différence avec celui qui cherche pour le haqq. La preuve, c'est qu'il cherche le dalil après avoir eu un avis. Ça te démontre que son but, c'est pas le haqq. Celui qui veut le haqq, c'est l'inverse. Il cherche le dalil et il fonde, il base ses avis sur le dalil. Mais l'inverse, il a un avis, tout le monde commence à chercher des adillah, min al-kitab ou min al-sunnah, qui vont appuyer son qawl. Hada shaytan, il va lui ouvrir un bab et il va tordre les adillah pour les adapter à son qawl. Et c'est un bab min abwab al-inhiraf azim. Et on a un exemple fi al-khawarij al-mariqin al-dullal. On a un exemple fi haoula annahum kaffaru al-muslimin et kharaju ala wulat al-umur wa safaku al-dima wa fajjaru wa kharrabu wa dammaru. Tout ça, tous ces af'al qu'on vit le an, tu vas les trouver, ils ont des adillah. Lakin, al-istidlal il est batil. Et le qasd il est sayy. C'est pour ça qu'ils vont trouver des adillah. Pour eux, ils pensent que ça appuie leur madhhab. Fi al-khuruj ala wulat al-umur ou fi takfir al-muslimin, etc. Nahnu, on ne doit pas être hakada. Nahnu, notre but, c'est le haqq. Lakin, pour arriver à être objectif et à différencier et à ne pas tomber fi hada at-ta'assub, il faut des choses, il faut la sincérité, l'ikhlas. كذلك, tu dois savoir que le haqq n'est pas forcément avec toi ou avec ton shir ou avec tes amis ou avec les gens de ton pays ou là. Le haqq, c'est le haqq. Le haqq, c'est le haqq, c'est ma ja'a fi kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alayhi wa sallam. كذلك taqwa Allah azza wa jalla. Ça aide. Wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja. قال الشيخ سعدي أو قاله من يعظمه فإن التعصب مذهب للإخلاص. صحيح. التعصب s'entêter, rejeter le haqq, ça va contredire l'ikhlas. Et ça fait partir l'ikhlas. Mudhib. Pourquoi? لأن الإخلاص c'est ton qasd, ta niya, c'est se rapprocher d'Allah. Et pour te rapprocher d'Allah, tu dois suivre le haqq. At-ta'assub, ça contredit hada. Ton but, c'est plus de connaître le haqq qui est fi kalam Allah ou fi sunnat nabihi sallallahu alayhi wa sallam. Là, le but de cette personne, wal'iyadu billah, c'est que le haqq soit avec lui ou avec son shir, même s'il contredit le haqq. Fa ayna al-ikhlas, elle est où la sincérité? Fi hada. Il serait sincère. Il n'aurait pas fait passer un qawl avant كلام الله سبحانه وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن التعصب مذهب للإخلاص مزيل لبهجة العلم. نعم أي لبوتج علم ست منزل عظيمة العلم الشرعي أي ونتجي pour connaître أدلة الكتاب والسنة pour parler بعلم pour agir avec علم pour juger avec علم. استعصب, il contredit tout ça. C'est pour ça que al-muta'assibun, tu les trouves, annahum, ils ne bénéficient pas, ils n'ont pas les fruits de l'ilm. Pourquoi? Ils s'handicapent avec ce ta'assub. Ils se limitent. Son cheikh, il a forcément raison. Ou un tel, il a forcément raison. Ou lui, il a forcément raison. Ils s'handicapent. Ils s'handicapent, ils se ferment les portes. Et, wal'iyadu billah, il s'égare. Qala mu'mili al-haqa'iq, fatihu babu al-hiqd, wal-khisam, al-dhar. Sahih. Kadhalik, ça ouvre babu al-hiqd. La jalousie, la rancœur. Pourquoi? Les autres, ils vont forcément le contredire. Tu trouveras toujours, wallillahi alhamd, des personnes qui sont à la haqq. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق فأهل الحق يخالف متعصب ça va ouvrir une porte de حقد et de خلاف et de فرقة de division tout ça à cause de ce متعصب أهل الحق ne peuvent pas délaisser le حق et dire on va se rassembler donc on ferme les yeux لا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه Ils sont obligés d'enlever son cœur. Conseiller, ça fait de la division. Et ça divise tout le monde. Mais le responsable de cette division, c'est le mutaassib. Ils suivent le haq, même si ça pousse à la division, c'est lui le responsable. L'imam Shatibi, on l'a déjà lu plusieurs fois avec les frères. Annahu il démontre anna celui qui appelle au ma'ruf et met en garde contre le munkar même si ça pousse à la division le responsable c'est celui qui fait char amma sahib al-haq ila al-idn min rabb al-alamin et c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam de montrer le haq même si ça pousse à la division lakin bi hikma bi ilm thumma celui qui veut se diviser et qui n'accepte pas le haq fa yawm al-qiyamah il est responsable. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أو فرق بين الناس كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم il a divisé بين الناس il est venu il a appelé au tawhid بعض الناس من كفار قريش وغيرهم تعصبوا ils se sont entêtés à adorer les idoles ça a fait la division وقام الجهاد il y a eu des morts et il y a eu des personnes qui se sont séparées de leurs enfants de leurs femmes il y a eu la hijra toute cette division c'est bihaq. Et ceux qui ont cause de cette division, ils rendront des comptes au Qiyam. Kadhalik, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le Coran Furqanan. Al-Furqan. Il y a une surah, kadhalik, surah al-Furqan. Aïe, ça différencie, ça dissocie al-haq min al-batil. Celui qui a al-haq, alhamdulillah, il a réussi. Celui qui est à la batil, il est responsable. Amma tous se rassembler et fermer les yeux, c'est pas min manhaj ahl-sunnah, comme on a déjà démontré. قال والخصام الضار كذلك بوليميك aucun bénéfique aucun profit بعض الناس tu le conseilles dans une mas'ala ou il y a une chose qui se passe et tu trouves qu'il y a une polémique واسعه pourquoi vous suivez pas cheikh un tel cheikh fulan il a dit un deuxième il vient et il va citer un autre cheikh un troisième cheikh et ça divise tout le monde قصد الجميع ça doit être الحق قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هكذا قال عز وجل celui qui est صادق qui véridique البرهان الحجة t'as pas forcément raison j'ai pas forcément raison t'as pas forcément tort j'ai pas forcément tort كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر هكذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه et c'est منهج السلف c'était à هذا أنهم chacun peut avoir raison chacun peut avoir tort العصمة c'est les Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne se trompe pas, c'est Rasul. Enfin, on cherche tous à suivre cette infaillibilité. Et il ne peut pas se tromper. Ça, c'est min aham ma yakoun. Qala kama anna al-insaf huwa zinatul ilm. Al-insaf. Être véridique, être objectif, vouloir l'haq. C'est ça l'insaf. Tu connais qadra nafsik. Tu sais, tu connais ton niveau. T'as pas compris, y a pas de honte. Tu t'es trompé, tu t'es trompé. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève. Mais chacun reste sur son qawm. Même si le haqq est wadih, ça divise tout le monde. Et il faut pas oublier que c'est du din. Nahnu l'an, on parle. Tous ces sujets qu'on traite l'an, c'est fi dinillah. On défend pas une entreprise. On défend pas une marque. On défend pas un intérêt politique. Ou un tout ça, c'est du din. ففي دين الله عز وجل الحق il est au-dessus de الجميع et ne contredis pas ce haq ça te fera du mal ne contredis pas le haq لأن الله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويذل من يشاء et parmi asbab al-rif'a c'est de suivre le haq Et min asbab al-dhilla, c'est de contredire al-haq. Fat-tawadhu, c'est muhim, la modestie. Connaître son nafs, être véridique, être sincère. Et i'lam anna al-jami' sanaqif bayna yadayillah. Toujours on se rappelle anna yawm sayati yawm, on sera rassemblés inda Allah. Wa la yanfa' illa as-sidq hina idhin. Il n'y a qu'une chose qui sera utile fi dhalika al-mawqif yawm al-qiyamah, ça sera sidq. Ton shaykh, il te sera d'aucune utilité, la majorité d'aucune utilité, tes parents d'aucune utilité. Personne te sera utile sauf tes a'mal bi idnillah azza wa jalla et ton mawqif que tu as eu fi dunya. Ça te sera utile bi idnillah azza wa jalla. قال كما ان الانصاف هو زينة العلم. الانصاف الزينة, c'est quelque chose qui embellit. Zinatul ilm, c'est ça qui va t'embellir, qui va embellir tes a'mal. Al insaf, liana, avec ce insaf tu suivras le haq bi idnillah azza wa jalla. قال وعنوان الاخلاص والنصح والفلاح. Al insaf, être objectif, ton but c'est le haq, inshallah tu arriveras à être sincère. كذلك النصح, et tu accepteras le conseil. Et كذلك tu conseilleras. لأن tes منصف, ton but c'est le haq. والفلاح, et tout ça c'est le chemin de la réussite. فمن أعظم آداب المعلمين والمتعلمين, c'est de délaisser التعصب. Le shaykh, le professeur, il doit apprendre à ses élèves الإنصاف والتجرد للحق, suivre الأدلة, et كذلك il doit les mettre en garde contre التعصب. وهذا ولله الحمد حال علمائنا قديما وحديثا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى كلام جميل في مجموع الفتاوى حول التعصب. نقرأ بعض هذا الكلام, أي on a choisi des passages de مجموع الفتاوى de Cheikh l'Islam fi hada al-bab. Qala Abu al-Abbas, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh fi majmu' al-fatawa, wa idha kana ar-rajul muttabi'an li Abi Hanifa aw Malik aw Shafi'i aw Ahmad. Il cite ces quatre imams parce que ces quatre imams alayhim rahmatullah, ils ont des écoles mashhoura, les quatre écoles juridiques. Et il les cite, il y en a كثير من الناس للاسف تعصبوا لهذه المذاهب. C'est pour ça que Cheikh l'Islam il va citer cet exemple. Si un homme il suit Abu Hanifa ou il suit l'imam Malik ou il suit l'imam Shafi'i ou il suit l'imam Ahmed. قال وراى في بعض المسائل ان مذهب غيره او ان مذهب غيره اقوى فاتبعه كان قد احسن في ذلك. Et c'est ça, al-matloub. Tu peux avoir étudié le madhab Hanbali ou le madhab Shafi'i. Et il y a tabayyin lak anna al-haq, il est avec l'autre école. Tu dois suivre l'autre école. Et tu le vois, hada fi a'immat al-madahib. Kal imam ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayhi. C'est un malik al-madhab. Et il y a tajarrat lil-adillah. Et son livre al-tamhid, il prouve hada. فكثيرا يسوي الأقوال للإمام مالك إدفوع يخالف لأنه تبين له الحق. هكذا الإمام النووي رحمة الله عليه, c'est un شافعي المذهب, et son livre المجموع شرح المهذب, il cite أقوال الأئمة, et كثيرا il choisit l'imam de الشافعي لأنه c'est le حق pour lui, et أحيانا يخالف لأن الحق تبين له. وهكذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح, وهكذا الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني. Tous ces a'imma, ils ont étudié une école spécifique, لكن leur but, ولله الحمد والله حسيب الجميع, c'est le haq. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a élevés, et il a élevé leurs ouvrages. قال ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالة في دينه ولا عدالته بلا نزاع, بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعضهم يتعصب. Il s'entête. Pour lui, tout ce que l'imam Malik il a dit, c'est le haq. Si tu khalif, t'es à la khata. Ça, fait le haqiqa, il a placé cet imam fi manzilat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a cette place. C'est la place du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui nous a montré haq, c'est haq. Tout ce qui nous a montré faux, c'est faux. Si tu le contredis, dans le haq qu'il a apporté alayhi sallallahu alayhi wa sallam, t'es forcément dans l'erreur. On n'a pas le droit de placer un imam dans cette manzila. قال كمن يتعصب لمالك أو للشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه. Ça c'est une musibah. Et ça on le voit. حتى نحن اليوم. On le voit. أنه si tu suis tel shir, t'es forcément à la haq. Si tu contredis ce shir, même si tu prouves avec des adillah, min al-kitab, min al-sunnah, avec des aqwal de salaf, probablement tu seras accusé d'avoir contredit le haq. Alors que tu n'as pas contredit le haq, tu as contredit Shir Fulan. Cette approche, c'est ça, ta'assub. Croire que le haq, il est forcément avec un tel. Qala, faman fa'ala hadha kana jahilan dhalan. Celui qui fait hadha, c'est un jahl, un ignorant, et c'est un dal, c'est un munharif. Et cette conviction de croire que telle personne a la forcément raison. Et si tu le contredis, tu as forcément tort. Non, ça c'est mina al-jahl wa al-dalal. Thumma qala rahmatullah alayhi wa man ta'assaba li wahidin bi'aynihi min al-a'imma dun al-baqin. فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين. Celui يتعصب أي s'entête à suivre un tel et pas les autres, même s'ils ont le haq. فهذا c'est comme ceux qui ont suivi un sahabi, ou ils prétendent suivre un sahabi dans tout et ils rejettent les autres. قال كالرافضة أو كالرافض الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاث. Ça c'est une comparaison de Cheikh l'Islam. Et nous on n'a pas le droit de ressembler à Haoula. Une des causes d'égarement de Rafida, الزنادق الكفرة المجرمين, c'est que تعصبوا لعلي, ils ont prétendu aimer Ali et ils ont exagéré. ثم ils ont eu cette conviction que Ali il a toujours raison et les autres ils ont tort. Thomas, ça les a poussés à détester les autres. Thomas, ils ont combattu les autres. Wa kaffaruhum. Et ta'lamoun l'an hal al-rafida. Akdhab l'umam. C'est une umma de nifaq et de kadhib, de zour. Tout ça, une des causes, c'est at-ta'assub lil ashkhas. Alors que nous-mêmes, les sahaba, quand ils ont un khilaf, radiyallahu anhum, et ça arrive, on recherche al-haq. Qui c'est qu'al-haq? Qui c'est qu'al-burhan? Et on aime al-jami' et on respecte al-jami' lakin on sait que al-haq c'est wahid. Et on s'efforce à rechercher ce haq. Qala fa hadhihi turuq ahl al-bid'a wal ahwa alladhina thabata bil kitab wal sunnah wal ijma' annahum madhmumun kharijun 'an al-shari'ah والمنهاج الذي بعث الله به رسوله فمن تعصب لواحد من الأئمة. Celui qui s'entête à suivre un imam, et même si la vérité elle est avec un autre, il la rejette parce que cet imam il a pas su cette vérité. هذا قال بعينه ففيه شبه من هؤلاء. Il ressemble au Rawafid. Dans ce point il le ressemble. At-ta'assub. Et Ar-Rawafid, ils ont ouvert ce bab d'égarement et ils se sont égarés. فَمَنْ تَعَصَّبَ لِعَالِمٍ أَوْ لِشَيْخٍ أَوْ لِشَخْصٍ كَئِنًا مَنْ كَئِنًا. Il a ouvert cette porte d'égarement à la nafsi. قَالَ سَوَاءٌ تَعَصَّبَ لِمَالِكٍ أَوْ شَافِعِي أَوْ أَبِي حَنِيفَ أَوْ أَحْمَدٍ. تَأَمَّلْ. Il te cite l'un أئمة من الأئمة الكبار de cette umma. Il te montre que si يتعصب لهؤلاء, il a ouvert cette porte d'égarement. Tu les entends, mais c'est un grand savant, il a du ilm. On n'a jamais renié. Et on sait très bien que les quatre imams, c'est des références. Mais là, on n'a pas le droit de les suivre aveuglément. Ce n'est pas ça les principes de notre deen. Nahnu umirna bittiba' ad-dalil. Amma ces savants, rahmatullah alayhim, wa hafidha al-ahya minhum, ils nous aident à comprendre. Et là, chacunna al-haq qui propage, alhamdulillah, il est kathir. Lakin, ils ne sont pas à l'abri de l'erreur. Ils ne sont pas à l'abri de se tromper. Nahnu, si ils se trompent et contredisent un dalil et ils ne sont pas à l'abri, enfin, notre but et notre devoir, c'est de suivre al-haq. Ah, c'est kalam Cheikh l'islam. Lakin, ce kalam, la plupart des gens, wallah, alhamdulillah, ils le connaissent, ils le propagent, c'est traduit. Lakin, at-tatbiq. Tu vois, al-rajul, s'il est sadiq, amla, fi hal al-shidda, al-fitan. Quand il y a une fitna, quand il y a un khilaf, quand il y a tanazu' kabir, c'est là que tu dois faire attention. Et, inshallah, ta sincérité, elle te sera utile, fi hadal hal. Amma se précipiter, ou avoir peur de contredire les autres, ou la majorité, ou ne pas oser, parce qu'ils vont parler sur moi. Dans ce cas, tu auras du mal à suivre le haq. Li'anna al-mu'min, sahib al-haq, il est mubtala. Tu seras éprouvé fi hada. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, tawfiq wa sadad. Qalat thumma ghayat al-muta'assib, لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين فيكون جاهلا ظالما صحيح بعضهم يبخطون mais je respecte ce savant, j'aime ce savant, حتى ça le pousse à s'entêter. N'oublie pas فضل الآخرين. L'imam Malik, والله الحمد, c'est un imam كبير من أئمة الإسلام. N'oublie pas le فضل de l'imam Ahmed, de l'imam Shafi'i. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية سان إمام كبير نوبلي با فضل les autres imams. وهكذا dans notre عصر on donne à chacun son حق. أما être injuste et prétendre aimer et suivre un tel et délaisser l'autre, هذا c'est ça le ظلم. T'as pas mis les choses à leur place. قال والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم etc. نعم الله سبحانه وتعالى نوزا أخدني العلم, de rechercher le haq et l'adl, d'être juste. Et il nous a interdit al-jahl wa al-dhulm, et de se satisfaire de l'ignorance, de rejeter l'ilm, l'injustice. Et il y a des adillah kathira fi hada. Thumma qal, dans un autre passage, qal wa la yajouz li ahadin an yurajih qawlan ala qawl bi ghayri dalil. ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل على قائل بغير حجة. Ça, il a résumé dans cette phrase منهج أهل السنة والجماعة. Si tu veux الخير et tu veux avancer dans ton دين, فتأمل هذا الكلام. لا يجوز. أي, ce n'est pas permis. C'est interdit. لأحد. لأحد, ça englobe tout le monde. Tout le monde. Les Arabes, les non-Arabes. Les ignorants, les savants, les talabat al-ilm et ceux qui ont un plus haut niveau. Les hommes, les femmes. Tout le monde est concerné par ça. La an yurajjih qawlan ala qawl bighayri dalil. T'as pas le droit de rajjih et de faire passer un avis avant un autre. C'est-à-dire, tu dis, cet avis, il a raison et l'autre, vu qu'il le contredit, il n'a pas raison, il a forcément tort. L'an al-haq wahid. Ça s'appelle at-tarjih. An yurajjih qawlan ala qawl bighayri dalil. Tu n'as pas le droit de rajjih, de faire passer tel avis d'un savant sur un autre avis d'un savant. Si les deux avis se contredisent, tu n'as pas le droit de faire passer tel avis sur tel avis sans dalil. Et le dalil, c'est qala Allah, qala Rasul, ou ijma' al-sahaba, ijma' al-salaf. C'est ça le dalil. ولا يتعصب لقول على قول ولا قائل على قائل بغير حجة. T'as pas le droit de t'entêter de suivre sans hujja. Même si ce savant, cette personne que tu prétends suivre, elle a un fadl azim et elle est aimée auprès d'Allah. C'est un sahabi, c'est un savant, c'est un imam. Non. Amma l'aimer. On doit aimer ahl al-khayr et on les aime, walillahil hamd. Lakin nahnu al-an, et Cheikh al-Islam il montre le suivi. Tu peux très bien aimer une personne et ne pas le suivre dans quelque chose. C'est normal, il s'est trompé. هذا معروف. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il avait un avis fil hajj, ce qui concerne le hajj, Hajj al-tamattu wal-qiran, etc. Ibn Abbas il l'a khalif. Et on sait que Ibn Abbas kana yuhib wa yujil Umar kathiran. Ibn Abbas il respectait et il aimait Umar kathiran. Mais dans certaines masail, cette masala qu'on a cité de Al-Hajj, il ne l'a pas suivi. Bel, il a montré Al-Qawl al-Haq. Est-ce que ça veut dire qu'il ne l'aime pas? Ma'adullah. Mais les choses elles se sont mélangées. Rubama, tu prends ton qawl, ça veut dire que tu n'aimes pas les savants, ça veut dire que tu es un égaré, ça veut dire. A'oudhu billahi min al-jahl. La cause, c'est que كثير من الناس الذين يخوضون في هذه المسائل ils sont à la jahl. Ils ne savent pas c'est quoi un dalil, ils ne savent pas c'est quoi l'istidlal, ils ne connaissent pas l'ulama. Enfin, son ignorance, elle lui a fermé les portes. Et il pense que le haq, c'est que ce chemin, ce sentier qui suit. Et il marche sur la pointe des pieds. L'annahu, il n'est pas à la ilm. Il pense que celui qui sort de ce chemin, il est forcément à la dalal. Là, al-insaf. Connais le haq, tu connaîtras al-rijal. Connais le haq, awulan. Fais des efforts dans l'ilm. Et là, t'est-à-dil. Et tu verras que, inshallah, tu arriveras à une natija tayyiba. قال بل من كان مقلدا لزم حكم التقليد فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم يخطي ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق ورد ما تبين أنه باطل. هذا الموقف الصحيح. Ce qui est حق on le prend et al-khata al-batil c'est rejeté à كل حال. قال ما لم يتبين فيه أحد الأمرين والله تعالى قد فاوت بين الناس في قوى الأذهان كما فاوت بينهم في قوى الأبدان. Et ça c'est une faïda tayyiba. Alors on n'est pas tous pareils. On ne comprend pas tous pareils. الناس يتفاوتون. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم. On revient à أهل العلم et on prend القول الصواب. Si les avis des savants ils divergent dans une mas'ala, on analyse les adillah. Il est où le haq? Pourquoi je prendrai la parole de Cheikh Al-Albani et je délaisserai celle de Cheikh Ibn Baz? Pourquoi? Si tu dis Cheikh Al-Albani c'est un imam de la sunna, nuhibbuhu fillah ila du ilm, fakadalik Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz. Et kadalik, pourquoi on prendrait l'avis de Cheikh Ibn Baz et on délaisserait Cheikh Al-Albani? On va dire Cheikh Ibn Baz c'est un immatul asr, c'est une des références, rahmatullah alayhi, il a du ilm, il a un fadl kabir. Ça c'est ma'rouf. Lakin, ça ne veut pas dire que Cheikh Al-Albani n'a pas tout ça. Pour respecter les deux, suis le haq. Et kadalik, Cheikh Al-Albani nous a enseigné hada, Cheikh Ibn Baz nous a enseigné hada. Enfin, en suivant le haq, tu as respecté les deux savants, tu aimes les deux savants, lakin tu as suivi le haq. Amma ta'assub la. Ta'assub la, ta'assub c'est de dhulm. C'est comme si l'autre n'avait pas une manzila indak. Et كذلك c'est le haq il a pas de poids indak. Et c'est ça que la gravité du ta'assub. Thumma qala, on cite un dernier kalam. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah wa qad ra'aytu min kalam an-nas fi hadha al-bab wa ghayrihi alwanan la yas'uha hadha al-mawdi' wa kathir min niza' an-nas yakun niza'an lafdhiyan aw niza' tanawwu' la niza' tanaqud. فالأول مثل أن يكون معنى اللفظ الذي يقوله هذا هو المعنى اللفظ الذي لا يقوله هذا وإن اختلف اللفظان فيتنازع كأنه في سقط عن نعم فيتنازعان لكون معنى اللفظ في اصطلاح أحدهما غير معنى اللفظ في اصطلاح الآخر وهذا كثير نعم كذلك il faut faire attention أحيانا تلا impression que c'est un خلاف il y a pas de خلاف ils ont pas le même لفظ. Ils ont dit les choses différemment. Lakin, fil haqiqa, le qawl, c'est le même. Et tu trouves ba'd al-juhal, ils ne comprennent pas l'aqwal. Robama, ils pensent que tel shaykh, il contredit l'autre. Ou tel shaykh, il a répliqué à l'autre. Et fil haqiqa, ce n'est pas min hadal. Al-yadan nasiha, nasiha, c'est de faire des efforts fi talab al-ilm. La sincérité et le haq, c'est le haq. Et avoir un comportement avec ahl al-sunn, avec ahl al-haq, c'est important. Et s'écarter de ahl al-bida'i wa shar. Inch'Allah, avec cette tariqa, on sera ala khayr. Hada kalam, Cheikh al-Islam, fi al-ta'assub al-madmoum, min majmou al-fatawa. Les ulama, ils ont kalam wasi'a kathir fi hada al-bab. Et on l'a expliqué à la kathira dans certains doros, dans certains muhadarat. Wallahi alhamd. Thumma qal Cheikh Saadi rahmatullah alayhi, thumma al-hadar al-hadar. Cheikh Abdussalam, il a cité comme titre At-tahdhir min talab al-ilm lid-dunya. Kadhalik, c'est important. Fais attention au ta'assub et fais attention à dunya. Al-Allama al-Imam al-Saadi, dans ses chapitres, dans ses passages, il te met en garde contre les choses qui font du mal au talib ilm. Fais attention au ta'assub. Ton objectif, c'est le haqq. Tu ne fais pas des efforts fil ilm pour suivre aveuglément. Là, c'est pour ça que tu trouves ceux qui suivent aveuglément, c'est le juhal. Al-awam masakin. Des fois, ils n'ont pas le choix. Ils suivent, ils ne savent pas pourquoi. Il n'a pas la force, la capacité de chercher le haqq. Min al-kitab, min al-sunnah. Bardoum, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Ils ont du mal à comprendre. Ils lui disent, fais ça, il fait. Miskin, la yadri. Amma anta, tu fais des efforts fil ilm. Tu as la capacité de faire des recherches, de demander. Même si tu n'as pas la capacité de rajah au départ, tu as la capacité de demander. Allah subhanahu wa ta'ala akramak bi aql. Ça ne veut pas dire que tu le suis ce aql, lakin il te permet de faire des recherches et de comprendre. Au moins tu essayes. Et si tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera. Un des objectifs, un des fruits de talab al-ilm, c'est de s'écarter de ta'assub. Ne pas faire comme le juhal. Kadhalik, il nous cite dans ce passage, on fait attention à dunya. Talibul ilm, s'il veut avancer fil ilm, il doit avoir des objectifs précis. Il doit faire attention à dunya. À dunya, c'est une fitna. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre dunya. Si cette dunya, elle te pousse à délaisser les obligations, à délaisser l'ilm, à faire des ma'asi, c'est une fitna. Et c'est hal. كثير ممن فتن بالدنيا بعضهم يفون plus صلاة بعضهم يبغى faire الحج بعضهم يفون des concessions dans leur dîn tout ça pour الدنيا pour de l'argent pour une place pour un travail pour satisfaire un tel. قال الشيخ سعدي ثم الحذر الحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهاة والمماراة والرياء والسمعة. Tout ça, on fait attention. Al-riya, al-sum'a. On ne tlope pas l'ilm pour le jidal al-batil, pour montrer qu'on a raison. On fait attention à al-sum'a. Et pour que les gens ils disent qu'on a appris, on fait telle chose. Ou al-riya. Et on fait pour que les gens ils voient. Pour que les gens ils nous félicitent. Tout ça, c'est des maqasid sayyi'a. On a lu le premier chapitre, fil ikhlas. قال وأن يجعله وسيلة للأمور الدنيوية والرئاسة كذلك تصل فتنة. أي العلم c'est pour la dunya, pour avoir une place, pour avoir tel salaire. لا علم كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم laisse-le loin de tout ça, loin de tout ça. C'est du din. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est le razzaq. N'aie pas peur du risque. Si tu fais des efforts fil ilm, i'lam anna al-ilm, c'est parmi les plus grands asbab de risq. Comme a jaa fi al-hadith, anna deux frères à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils travaillaient fi mazra, ils avaient des champs. Et un autre, il restait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre l'ilm. Enfin, celui qui travaillait, il est venu se plaindre au prophète alayhi salatu wasalam. Il lui a dit, ya Rasulallah, ana je travaille et mon frère il est avec toi. Et il lui a reproché de ne pas l'aider. Il est avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la'allaka turzaq bih. La'allaka turzaq bih. Et ton frère qui fait des efforts fil ilm, c'est une cause qu'Allah va te donner du risque. Al-ulama, ils ont déduit de ce hadith que talab al-ilm c'est min a'zam asbab al-risq. N'aie pas peur. N'aie pas peur min hadhihi al-haytiya. Fais des asbab shar'i. Ça ne veut pas dire que l'insan ne fait pas des asbab. Lakin cette peur, cette crainte, hatta al-pousse wa la'yadu billah, de laisser totalement l'ilm. Parce que je ne veux pas manger, je ne veux pas payer mon loyer. Hada la. At-tawakkul c'est muhim. Bien sûr avec les asbab shar'i. Mais place ta confiance en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime talabat l'ilm al-mukhlisin. Et ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime, il leur donne sans compter. Lakin asbir, tu seras patienté, tu seras aqsud, éprouvé. Tu seras éprouvé. Lakin asbir. Asbir. Léana, ce que tu vas gagner, inshallah, c'est a'zam. Et toutes ces hasanat et ce ajr azim qui est dans talab al-ilm, inshallah, tu ne le trouveras jamais fi dunya. Abadan. قال فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة ومن طلب العلم أو استعمله في أغراضه السيئة فليس له في الآخرة من خلاق. نعم لأن هذا عبادة. Celui qui utilise cette ibada pour des bienfaits éphémères de dunya ou pour des mauvaises choses, والعياذ بالله, pour son nafs فقط, pour attirer les regards. هذا son ilm, c'est une hujja contre lui. Al-Qur'an hujjatun lak ou alayk. Al-Qur'an, imma c'est pour toi, imma c'est contre toi. C'est pour toi si tu l'appliques, t'es sincère, tu fais des efforts. C'est contre toi si tu l'as appris pour les gens. Et aucune application. C'est une hujja contre toi, yom qiyama. T'as su, t'as appris et t'as pas appliqué. Wa talibul ilm يتعلم العفة والقناعة. طالب العلم il doit apprendre à se suffire de peu de choses pour avancer في العلم. أما si tu suis الدنيا, aujourd'hui tu as besoin d'un قميص, si tu suis الدنيا ربما t'en achèteras 3, 4, 5 alors que t'en as besoin d'un ou deux. هكذا un moyen de transport, tu as besoin d'un moyen de transport, ربما un moyen simple, pas cher, tu suis de dunya, rubama, tu voudras un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, il faut travailler nuit et jour. Et tu t'écartes du ilm. Falqana'a. Alhamdulillah, l'insan, il mange, il s'habille, et alhamdulillah, il a un foyer, ni'ma. Et il se consacre au ilm. Amma les projets. Wal'ayadu billah, cette masala, c'est rentré même fil hijra. Al'an. Al-Hijra, à l'époque des Salaf, c'était pour préserver leur din, se déplacer min bilad al-kufr ou min bilad al-shar ila bilad al-islam, bilad al-khayr, et pour appliquer leur din. Nous, chez certains frères, l'un, c'est devenu des projets. Je me déplace pas tant que j'ai pas 50 000 euros. Hakada, ba'dhum, rubbama yaqul. Na'oudu billah, c'est une ibada. C'est une ibada, wa la tashtarit. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de toi, ni de ta hijra, ni de personne. Jalla wa ala. C'est pour toi et c'est pour ton khayr et c'est un amr, c'est wajib. Salaf, ils n'étaient pas comme ça. Salaf, ils se déplaçaient l'illah. Leur sincérité, elle les encourageait. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a ouvert les portes. Amma, les projets, les commerces, tout ça, c'est pas interdit. Lakin, si ça te bloque dans une ibadah, ça te fait du mal. On n'a pas besoin de te dire interdit ou pas interdit. Tu le sais très bien. Ça te fait du mal dans ton din. Falqana'a, c'est important. Surtout pour un talib ilm. Tu veux avancer, l'ana dunya, tu auras toujours des choses à faire. Toujours des choses à visiter. Toujours des choses à acheter. Toujours des projets. Ça ne s'arrêtera pas. Si tu veux devenir un talib ilm et profiter, mets des barrières. Et la meilleure barrière que tu peux mettre, c'est le qana'a et l'if. Le qana'a, c'est taqna' bima ataka Allah, c'est que tu te suffis. Tu te suffis. Et ce qui t'a donné Allah subhanahu wa ta'ala, ça te suffit. Walillahi alhamd. Qala sallallahu alayhi wa sallam, kama fi hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu an, fi sahih Muslim, qad aflaha man aslama, wa ruziqa kafafan, wa qanna'ahu Allah bima ata. C'est celui-là qui va réussir. Qad aflaha man aslama. Celui qui rentre fi dinillah, il se soumet. Wa ruziqa kafafan. N'am. Qala wa qanna'ahu Allah bima ata. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné cette suffisance. Et il se suffit. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné. Il a un toit, il mange, il s'habille. Qu'est-ce que l'insan il veut de plus? Cette dunya hadi, c'est pas dar qarar. Ça restera pas. Donc, prépare l'akhira. Et pour préparer l'akhira, tu ne trouveras pas mieux que talab al-ilm. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Donc nous, wallahi alhamd, ce qu'on prépare, c'est al-jannah, al-akhirah. Mahouna, ça va partir. Et celui qui lit dans la biographie des salafs, yata'ajjab, leur zuhd, ils donnaient aucune importance à cette dunya. C'est pour ça qu'ils ont fait des efforts, fi dinillah. Amma celui, son objectif, cette dunya, t'auras du mal à faire des efforts, fi din. Il y en a, c'est, ça se contredit. Qala Utba ibn Ghazwan, radiyallahu anhu, wa laqad ra'aytuni, un sahabi, radiyallahu anhu. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي السَّابِعَ سَبْعَ Et j'étais le septième مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ Ils étaient un petit groupe. Sept avec le prophète صلى الله عليه وسلم. قَالَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ أَجْدَاقُنَا On était sept et on avait comme nourriture que les feuilles des arbres. Alors, Rasoul صلى الله عليه وسلم et ses compagnons proches. Leur but, c'était pas de dunya. Ils auraient pu faire des projets, faire des efforts fait de dunya. Lakin, ils ont fait des efforts fait de dîn. Tu peux pas faire les deux. Et ils ont pas délaissé de dunya. Comme ils délaissent Ahlul Dalal, ils délaissent tout, ils mangent plus, ils se marient plus. Abadan. Lakin, l'objectif, c'est de dîn. Et des fois, tu dois faire des efforts fait de dîn et ça te pousse à délaisser certaines choses de dunya. Tout ça, c'est fisabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala, ma yutayi'uk. وقال الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال إنما أهلك من كان قبلكم هذا الدينار والدرهم وهما مهلككم Ce qui a causé la perte de ceux qui étaient avant vous, c'est le dinar ou le dirham, l'argent. Et ça causera votre perte. Et si vous ne faites pas attention, vous ne préservez pas, et toujours vous êtes à la recherche de cet argent, ça te poussera à ta perte. Tout ce qui se passe en fin de dunya, les meurtres, les guerres, les vols, tout ce qui se passe en, c'est une course, wal'iyadu billah, pour l'argent. Amma nahnu, ces efforts, on les met fi talab al-ilm. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera ce qui t'a décrété. Tu peux faire ce que tu veux, ce qui t'a décrété, tu l'auras. Bien sûr, en faisant les asbab, lakin notre objectif, ça doit être al-ilm. Qala al-imam Abu Bakr al-Baghdadi al-Khatib, rahmatullah alayhi, idha kana al-talib lil-hadith azaban fa'athara al-talab ala al-ihtiraf, fa'inna Allah ta'ala yu'awwidhuhu wa ya'tihi bil-rizq min haythu la yahtasib. S'il fait des efforts fil ilm, wa yatafarraq lil-ilm. Toute sa journée, c'est fait l'ilm. Il fait des efforts. Son but, raf al-jahl an-nafsihi wa anil akharin, faire da'wah, tous les points qu'on avait cités dans le premier dor. Si son objectif c'est hada, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera du risque et il lui donnera d'où il ne s'y attend pas. Ce talib, il ne s'y attend pas et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera. Limada li'annahu tafarraga li'sha'nin azim. Il n'a pas donné cette dunya par faiblesse ou par fainéantise. Là, il a délaissé fisabilillah. Et celui qui travaille, qui fait des efforts, c'est pas haram. Bel dans des cas, c'est afdal. T'as besoin, tu vas pas mendier. Là, lakin, nuit et jour, aucun durouz dans la semaine. Pas de Coran, pas de hibb. Que dunya, ba'dhum, layl nahar. Thumma, une fitna, ça divise tout le monde. Tu sais c'est quoi la cause? Elle a une chose à le dire et ils n'ont pas les armes. Ils n'ont pas les outils pour comprendre. L'Ada, ça divise. Ça divise une umma, une ville entière. Tout ça pourquoi? Parce que le ilm, on ne donne pas d'importance et dunya, ça passe avant. Donc, t'es éprouvé et t'es seul. T'es seul, t'as pas les outils pour comprendre. Wa tawfiq biyadillahi azza wa jalla. قال كذلك الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي رحمة الله عليه ولن يصبر على الحال الصعبة إلا من آثر العلم على ما عداه ورضي به عوضا من كل شيء سوى celui qui patientera على الحال الصعبة أي les moments difficiles pauvreté, maladie, etc. celui qui patientera c'est celui qui fait passer l'ilm avant tout il sait pourquoi il patiente. Il sait pourquoi, il sait c'est quoi la récompense. Donc, cette conviction, elle le pousse à patienter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui ouvre les portes. L'importance de travailler la sincérité et l'aqidah. C'est pour ça que parmi les premiers dolos que talib al-ilm doit faire, c'est l'aqidah, que ça lui fait monter son iman. Ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms, ses attributs. Hatta son tawakkul il augmente et il patiente. Amma ba'd ikhwanina, ils font une erreur. Des fois, ils commencent le ilm nuit et jour à la langue arabe. Nuit et jour. Et des fois, ce n'est pas une bonne méthodologie. Hatta cette langue arabe, il a du mal à l'assimiler. Léanna, imma, il est vers des personnes qui ne sont pas compétentes. Imma, c'est des maraklis de Ahl al-Bida'i wa al-Dalal. Ala kulli hal. Thumma, il délaisse l'aqidah wa al-tawhid. On les a vus, kathir. Un mois, deux mois, six mois, langue arabe. Thumma, une épreuve, il délaisse. Léanna, il n'a pas fortifié ce cœur. Nahnu, on ne fait pas cette erreur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On fait la langue arabe et on fait le tawhid. وَالْعَقِيدَ لِأَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى nous a créé pour هذا. Et c'est cette chose qui t'arrêtera, qui t'aidera à patienter pour comprendre la langue arabe. La langue arabe, il faudra un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Chacun a sa situation. Pour patienter, donne des efforts à l'aqidah. Enfin, un cours dans l'aqidah, ça te fera aucun mal à la langue arabe. خاصةً, comme on fait nous, وَاللَّهِ الْحَمْدُ, avec les deux langues, inshallah, yakun khayr. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.